Enfants de tout pays, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Xavier est à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter le patchwork numéro 46 à l'écoute des musiques du monde. Alors la programmation d'aujourd'hui vous propose un voyage aux îles Marquises. Et puis une promenade autour du mot Marquise, pourquoi pas. Trois coups de chapeau à Jacques Brel. Et le tout étoilé de zouk effréné. Voilà. Zouk ? Eh ben, on part sur le zouk. Un zouk de 2017. Un nouveau single d'Ina Lina, la nouvelle pépite caribéenne, en un clin d'œil à son île natale, la Martinique, et à sa terre d'accueil, la Guyane. When Love You, Ina Lina. Les îles Marquises forment un des cinq archipels de la Polynésie française dans l'océan Pacifique et cet archipel regroupe 14 îles. Une population de 10 000 habitants, oui j'ai bien dit 10 000 habitants, ça fait pas beaucoup, pour une superficie de 1 000 km². C'est l'explorateur européen Alvar de Mandana qui les a découverts en 1595. Puis 200 ans plus tard, c'est James Cook qui va s'y reposer après son exploration de l'Antarctique. Lieu de déportation pour la France au XIXe siècle, les îles Marquises furent incorporées au territoire d'outre-mer de la Polynésie française en 1958, après la victoire du oui au référendum. La faune marine est riche, tandis que la faune terrestre est plus pauvre. Aux oiseaux, insectes, papillons, araignées et mille pattes, l'homme a introduit les chiens, les chevaux, les chèvres, les ovins, les rats, les moustiques et les scorpions. La flore est originale. On y cultive l'arbre à pain, les cocotiers, le tabac, la vanille et le coton. Nuku'iwa, 3 000 habitants, est l'île principale avec la ville de Taiohae, le chef-lieu des Marquises. Le marquisien est officiellement reconnu comme langue régionale de la France. Et bien que la pratique du tatouage soit présente dans l'ensemble de la Polynésie, cet art a atteint son sommet aux Marquises et les motifs marquisiens sont aujourd'hui recopiés dans le monde entier. Le peintre Paul Gauguin y résida à partir de 1901 et il profita de son séjour pour défendre les droits des indigènes. Et puis plus près de nous, le chanteur Jacques Brel y résida à partir de 1974. Il y est enterré et sa tombe côtoie celle de Paul Gauguin. Comment t'aimer, Rotaro. Plus.

Alors tout d'abord, Notre-Dame cathédrale. Oh, une très belle cathédrale construite en pierre de Lille. Des sculptures et des fleurs exotiques. Et puis le Tiki Tuiva, sous les hauteurs de Taichae, se dressent des tikis de toutes formes et de toutes dimensions. Alors je regarde Xavier, tiki, tu sais ce que c'est? Non. Eh bien, un tiki, c'est une représentation humaine sculptée de façon stylisée. On va continuer cette conversation privée avec Xavier, qui n'est autre que mon fils. Rappelle-toi, c'est un tableau que j'ai eu l'honneur de peindre il y a 4 ou 5 ans. Alors, surtout, ne manquez pas le tiki souriant à Iva Oa. Cavari Cemetery, bon, émotion garantie, devant les tombes de Gauguin et Brel, dans ce joli petit cimetière. Puis il y a le musée Gauguin, qui rassemble une importante collection de reproductions qui retrace la vie du peintre. La baie des Vierges, un endroit merveilleux, des paysages à couper le souffle, un cadre idyllique. Allez, une chanson? Oui, une chanson des Marquises. Aka, Enma, Enama, Enana. Deuxième coup de chapeau à Jacques Brel. Avec plus de 25 millions d'albums vendus à l'international, les chansons de Jacques Brel sont une source d'inspiration pour de nombreux auteurs et interprètes. Et enfant, Jacques Brel était peu intéressé par l'école, hein, excepté pour les cours de français. Et scout, il a écrit à l'âge de 15 ans

déchire, infiniment brisé par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et la lisée se brise au marquis. Et si on allait se restaurer, la gastronomie aux îles Marquises? Ah, tout d'abord, le poisson cru. Ah, c'est un plat du petit déjeuner, lors de la bonite ou du thon mariné dans du jus de citron, auquel on ajoute du lait de coco, des oignons émincés, de la tomate, d'ail et ciboulette. Les paouas, ce sont des coquillages. Des bénitiers sont des coquillages et on les mange crus. Les frifris, ben ça, ce sont des beignets au coco. Le pain de coco ou le pain de banane. À midi et le soir, le poisson est incontournable. Thon frais, poisson perroquet, dorade, tassard, bonite, espadon, crabe sautée, crevette et langouste. Le cochon de lait, cuit à l'étouffée, on y rajoute du poisson, du poulet, des crevettes, de la banane, de l'arbre à pain, du fafa. Le fafa, c'est une sorte d'épinard. Et de la patate douce et de l'igname. Il y a aussi le popoy, une pâte fermentée de taro. Alors, le taro, c'est une sorte de tubercule. Et au dessert, le poé, une sorte de pudding froid de banane, aromatisé à la vanille et à l'amidon du lait de coco. Teu Vaimata, Juanita Parra. Wa mamae to

Elle retranscrit à travers ses écrits son mal de vivre et aussi sa vision du monde, ce qui lui vaut d'être assimilé aux mouvances altermondialistes, anticapitalistes, anarchistes, révolutionnaires et anticolonialistes du rap français. Madame la marquise Kenny Arcana. Madame la marquise vit dans sa bulle à sa guise. Prison dorée, apatrie, aveuglée car sa bride dit que la terre ça salit. Tient plus à son masque qu'à sa vie, la même de New York à Paris. Ne ressent rien, analyse, cultive l'avarice. Et que le monde court à sa ruine, madame la marquise n'en a que penser. Bien trop concentrée sur elle-même, trop occupée à exposer sa vie et à penser à ce qu'on penserait d'elle. Madame la marquise, c'est la vie en rose, tant que son miroir lui dit qu'elle est belle. Donc peu lui importe les autres, l'époque, le monde peut crever autour d'elle. Madame la marquise, le château brûle, je sais c'est fou. Pour une fois, je vous en prie, réveillez-vous. Les flammes ont déjà attaqué les foules. Regardez autour, madame la marquise. Le château brûle, l'air est rempli de soufre. Reste-t-il encore des issues de secours? Réagissez avant que tout s'écroule. Le temps est compté, madame la marquise. Réagissez, le château brûle, madame la marquise. Réagissez, le château brûle. Madame la marquise, de grands concepts se galvanisent, mais jamais ne dépassera la ligne. Croix éclairée car croit que la vie c'est la matrice. Cœur jugé, parole assassine. Lui demander de l'aide c'est la saïr. Elle voudrait paraître assagie, mais son instinct de domination la trahit. Donc si le pire arrive, madame la marquise, ce n'en a que faire. Axée sur son dîner du soir, elle doit faire un choix entre ses plus belles parures et ses jolies robes de soie. Faut qu'elle prie, prie, prie de mille feux, qu'on ne voit qu'elle se lave à de soi. Inconsciente ou vivile et vicieuse, peut rien donner mais tout recevoir. Madame la marquise, le château brûle, je sais c'est fou. Pour une fois je vous en prie, réveillez-vous. Les flammes ont déjà attaqué les foules. Regardez autour, madame la marquise. Le château brûle, l'air est rempli de soufre. Reste-t-il encore des issues de secours? Réagissez avant que tout s'écroule. Le temps est compté, madame la marquise. Réagissez, le château brûle, madame la marquise. Réagissez, le château brûle. Madame la marquise, le virtuel son paradis. Soyons pragmatiques, il ne pâlira rien quand la terre n'aura plus un abri. Bulle de verre et d'étrange indifférence hermétique à la vie. Accrochée à ses œillères et ses plans, la guerre dans un coin de l'écran. À moins qu'elle devienne attractive, madame la marquise prend tout ça de haut. Elle a perdu son pull de laine, cautionne la guerre tant qu'elle est loin. Ne peut l'imaginer éclater sa bulle de verre. Madame la marquise a toujours raison et aura les moyens de te taire. Et si tout le monde la défend, c'est juste parce qu'elle est la société moderne. Madame la marquise, le château brûle, je sais c'est fou. Pour une fois je vous en prie, réveillez-vous. Les flammes ont déjà attaqué les foules. Regardez autour, madame la marquise. Le château brûle, l'air est rempli de soufre. Reste-t-il encore des issues de secours? Réagissez avant que tout s'écroule. Le temps est compté, madame la marquise. Château brûle, madame la marquise. L'artiste qui a remporté en 2018 le trophée de la collaboration Zouk continue de nous faire plaisir sur du Zouk, et ça, c'est tout nouveau. Question song, Karine. Comme si t'oublies que t'es rien qu'à moi. Dis-moi si je peux.

Et c'est ainsi que s'achève Patchwork numéro 46 à l'écoute des musiques du monde. Merci à Xavier pour la réalisation technique et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir accompagnés. Le prochain Patchwork, c'est dans 15 jours. Mais nous serons là dimanche prochain pour la cerise sur le canto. En attendant, nous vous laissons l'aimable compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Au revoir, à dimanche prochain, 10h.